Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le suicide de Pierre Bérégovoy. 1er mai 1993, c'est une France plongée dans la détente et le jour férié de la fête du travail qui apprend la mort de Pierre Bérégovoy, encore Premier ministre, quelques semaines auparavant. L'émotion collective qui envahit les Français, ses partisans comme ses adversaires politiques, est à la mesure de la dimension historique et dramatique du geste. Cet événement, unique dans l'histoire de la Ve République, marque les esprits, évidemment, et nourrit les rapports ambigus que le public entretient avec la presse pour ce qu'elle est, à la fois élément indispensable de la démocratie, mais moyen de pression qui peut pousser les plus fragiles ou les plus touchés vers le désespoir. Ces journalistes que François Mitterrand appellera, dans cette affaire, les chiens. Considérés comme en partie responsables du drame, on trouve aussi les adversaires politiques de Pierre Bérégovoy, ceux qui ont soufflé sur les braises, et puis les magistrats, tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont animé des mois durant la chronique du déshonneur, comme ils l'auraient fait pour un autre inculpé dans n'importe quelle autre affaire, car ainsi fonctionne la démocratie, dans la transparence jusqu'à la dictature de la transparence. À partir de là, tous vont se jeter, rejeter la faute, alimentant au passage les hypothèses les moins crédibles, pourvu qu'elles soient spectaculaires, dans une démarche qu'on appelle la théorie du complot. Certains iront même jusqu'à parler de crimes d'État ou d'assassinat politique. Mais à travers le destin tragique de Pierre Bérégovoy, c'est une histoire de la gauche française qui se raconte également, de l'élan de la victoire en 81 à la fin crépusculaire du second mandat du président Mitterrand. Les années du socialisme au pouvoir, sa volonté de changer la vie, puis son allégeance aux lois du marché, ou comment le destin de Pierre Bérégovoy épouse le chemin des illusions perdues. Notre invité aujourd'hui, François Lhomonnier, diplomate. Il était le chef de cabinet de Pierre Bérégovoy lors des différentes fonctions ministérielles occupées par l'ancien Premier ministre. Il a travaillé à ses côtés pendant 8 ans. Il fut par la suite, entre autres, consul général de France à Genève, puis ambassadeur de France en Lituanie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui de Léa Dupouille et des documentalistes de Radio France et de l'INA, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, lecture d'articles de presse Philippe Pierrard, réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Vincent Godard, Henri Bérec. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En avril 1992, un journaliste demande à Pierre Bérégovoy de retracer son parcours. Par amusement, celui qui vient tout juste d'être nommé Premier ministre saisit un stylo et commence à recenser les grandes étapes de son parcours. Il se rend compte que toutes ces étapes ont eu lieu un 1er mai. Oui, 1er mai 1942, entrée à la SNCF, 1er mai 46, démobilisation, 1er mai 50, entrée chez Gaz de France, 1er mai 57, mutation à Paris, 1er mai 72, promotion comme cadre, 1er mai 78, fin de carrière à Gaz de France. Puis il ajoute, à cette symbolique, le 21 mai, où il est nommé secrétaire général de l'Élysée par François Mitterrand, et le 12 mai 1988, où il retrouve le poste de ministre des Finances à Bercy. Le parcours de Pierre Bérégovoy réunit à lui seul l'idéal républicain et socialiste. Fils d'un immigré ukrainien, il gravit tous les échelons au Parti Socialiste, avec pour seul diplôme un brevet élémentaire et un CAP d'ajusteur. Il milite très tôt à la SFIO, puis rejoint le PSU, où il s'oppose à la guerre d'Algérie et devient collaborateur de Pierre Mendès France. Puis à la fin des années 60, il se rapproche de François Mitterrand. Rapidement, il tranche par sa double culture, ouvrière et syndicale. Au sein du parti, il est le spécialiste des questions sociales et il est apprécié pour sa capacité à gérer les dossiers de manière pragmatique et efficace. Suivre le chemin de Pierre Bérégovoy, ensuite, c'est observer la trajectoire idéale d'un militant. Il participe à la campagne présidentielle de 1974, derrière François Mitterrand, puis à celle de la victoire en 1981. Il est alors nommé secrétaire général de l'Élysée et en 1983, ministre des Affaires sociales, puis ministre de l'Économie et des Finances. Il ne cache pas son ambition de devenir un jour Premier ministre. Il pense y accéder en 1988, après la réélection de François Mitterrand, dont il a dirigé la campagne. Raté, c'est Michel Rocard. Puis en 1991, lors du remaniement, ce sera Édith Cresson. Son tour arrive in extremis en 1992, dans un contexte difficile entre affaires politico-financières qui touchent les socialistes, libéralisation économique accentuée et poursuite de la construction européenne, le pouvoir en place est vivement critiqué. Après un an à ce poste, il quitte le gouvernement après la cuisante défaite des législatives d'avril 93. Quelques semaines plus tard, le 1er mai, Pierre Bérégovoy met fin à ses jours. 1er mai 1993, aux alentours de 19h, alors qu'il parle de la visite du Premier ministre Édouard Balladur à la Foire de Paris, Henri Charpentier, sur France Inter, interrompt son journal pour lire une dépêche qui va bouleverser la France. À l'instant même, cette information qui me parvient à prendre pour le moment encore au conditionnel, l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy aurait tenté de se suicider d'une balle dans la tête cet après-midi à 9h. L'agence Reuters qui nous donne cette information précise que Pierre Bérégovoy ne serait pas mort et qu'il a été transporté à l'hôpital. Cette information vient de tomber à l'instant même sur nos téléscripteurs et pour l'instant nous la mettons encore toutefois au conditionnel. Je vous le rappelle donc, l'ancien ministre Pierre Bérégovoy aurait tenté de se suicider d'une balle dans la tête aujourd'hui dans sa ville de Nevers. Quelques heures auparavant, à Nevers, comme chaque année depuis 1983, Pierre Bérégovoy se rend dans la ville dont il est le maire pour célébrer la fête du travail. La première ville de la Nièvre, Nevers, cette terre électorale qu'il a mis si longtemps à trouver, puis à conquérir, ce fief historique de François Mitterrand. Il s'y présente en famille, le visage marqué après cette rude campagne des législatives qui s'achève sur une défaite historique pour la majorité socialiste dont il est, en tant que Premier ministre, le chef. Oui, c'était la règle avant que Nicolas Sarkozy ne démonétise cette fonction. En ce printemps 93, Pierre Bérégovoy vient de céder la place à Édouard Balladur. Il n'aura été à Matignon qu'un an. Profondément marqué aussi par les attaques personnelles qu'il a subies et qu'il doit encore affronter à propos de ses accointances supposées avec le cercle des affairistes de l'entourage amical de François Mitterrand. Rumeurs, affaires et scandales brisent la stature d'honnête homme qu'il avait patiemment construite tout au long de son parcours politique. Le temps est sombre, lui aussi, en ce samedi 1er mai. Son chauffeur et son garde du corps l'accompagnent aux différentes manifestations auxquelles il doit assister. C'est en fin de journée, après avoir pris l'arme de son vigile dans la boîte à gants de la voiture, qu'il confie à son chauffeur son désir de marcher seul le long du canal de Nevers. C'est là qu'il se suicide d'une balle dans la tempe. Quelques minutes plus tard, les deux hommes de sa garde rapprochée le retrouvent dans le coma. L'évacuation s'organise, un hélicoptère arrive pour l'emmener à l'hôpital du Val-de-Grâce. Pierre Bérégovoy meurt dans l'appareil. Monsieur Pierre Bérégovoy est décédé le samedi 1er mai 1993 à 22h15 au cours de son transfert de l'hôpital de Nevers à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce. Il s'en faut de peu pour que sa femme Gilberte n'apprenne la nouvelle à la radio ou à la télé, mais d'autres membres de sa famille la découvriront en écoutant les informations. Premier signe d'un emballement médiatique à l'image du choc que subit la France ce jour-là et de l'émotion réelle des Français. Il a toujours été correct avec nous, quoi. Il nous a toujours aidés, toujours. En 48, je suis arrivé ici, il a fait des choses extraordinaires pour la ville. Comment vous expliquez-vous son geste? Moi, je pense qu'il a trop fait, moi. Il était trop chargé en tout. Malheureusement, ça devait arriver, moi je crois, c'est tout. Je trouve que c'est un brave homme qui vient de nous quitter. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais on lui a peut-être mis des bâtons dans les roues, comme on dit vulgairement. Hein. Le pauvre homme, il a été trop abattu par tout ce qu'on a pu raconter sur lui. Puis il voyait que plus ça allait, plus on l'enfonçait. Moi je trouve qu'il a fait tout ce qu'il a pu, cet homme-là. Une rose, ça suffit. C'est un symbole. Et vraiment, ça me fait très mal au cœur. Il ne méritait pas ce genre de mort, en fait. Pas du tout. C'est affreux. C'est moche. C'est moche de finir de cette façon-là. C'est bien malheureux. Ça fait très mal au cœur. La France tout entière s'interroge après la mort d'une telle personnalité publique. Alors elle a besoin de réponses. Et elle va tenter de les trouver en se replongeant dans les derniers mois de la vie de Pierre Bérégovoy. Tout commence peut-être ici. Le 2 avril 1992, il accède enfin à Matignon, le rêve d'une vie. Le symbole est fort, un fils d'immigré, ancien ouvrier, atteint l'une des plus hautes fonctions de l'État. Ce matin, l'Élysée confirme enfin ce que tout le monde savait. Édith Cresson a présenté la démission de son gouvernement et François Mitterrand l'a accepté. Et puis, quelques minutes plus tard, deuxième annonce du porte-parole de la présidence, c'est Pierre Bérégovoy qui a été chargé de former la nouvelle équipe ministérielle. Là non plus, pas de surprise, le nom du ministre de l'Économie et des Finances circulait avec une rare insistance depuis dimanche. Il aura tout de même fallu 72 heures de réflexion à François Mitterrand pour peser le pour et le contre, pour entendre les uns et les autres, y compris Michel Rocard, et pour au bout du compte s'assurer assurer que Pierre Bérégovoy était bien l'homme de la situation, entre un désastre électoral au régional et au cantonal, et des législatives qui s'annoncent difficiles dans un an. Comme disait Pierre Mauroy ce matin, en un an, on peut faire beaucoup de choses. L'accueil de la nouvelle par l'opinion est plutôt favorable. L'image de Pierre Bérégovoy et son action précédente plaît dans sa faveur. Intégrité, fidélité, austérité, effort sont les mots qui reviennent le plus souvent pour qualifier le nouveau Premier ministre. Il porte en lui une fibre à la fois républicaine et sociale dans laquelle de nombreux Français se reconnaissent. Il incarne surtout la conversion du Parti socialiste au pragmatisme social. C'est lui qui, à l'économie et aux finances, a mené le tournant d'un rigueur, non sans quelques réticences d'ailleurs. Mais en disciple de Pierre Mendès France, Pierre Bérégovoy a toujours considéré que les réformes sociales devaient s'accompagner d'une économie saine et performante, épousant ainsi le paradigme social-démocrate, une inclinaison que les socialistes au pouvoir aujourd'hui ont gardée et même renforcée. Lors de ses deux passages au ministère des Finances, il se veut l'homme du franc fort, éloquente illustration de l'orientation gestionnaire du Parti socialiste de l'époque. Il est l'homme, enfin, qui a redressé les comptes de la sécurité sociale, modernisé et libéré les marchés financiers et prolongé la construction européenne sous l'œil attentif de François Mitterrand, qui a fait du sujet la priorité de son second septennat. Hélas, pour Pierre Bérégovoy, le spectre des affaires pourrit tout. C'est l'époque de l'affairisme rose et du discrédit moral qu'il génère sur la gauche au pouvoir. La multiplication des affaires politico-financières, le financement occulte du Parti Socialiste ou encore la figure sulfureuse d'un Bernard Tapie qui fait d'ailleurs son entrée au gouvernement sous Pierre Bérégovoy. Alors dans son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre insiste sur trois points. La lutte contre le chômage, l'insécurité mais aussi et surtout la corruption en politique. Un peu comme l'hôpital qui se moque de la charité, estime la droite qui vocifère pendant le discours du nouveau Premier ministre au cri de Tapie, Urba, Boublil, Naouri, autant de noms plus ou moins liés aux récentes affaires qui ont touché le Parti Socialiste, y compris Pierre Bérégovoy lui-même. Alors agacé, peut-être un peu déstabilisé devant toute l'Assemblée, à qui il explique sa feuille de route, il exhibe une feuille tout court. Et dans nos sociétés d'information, les exigences de transparence sont fortes. Si le pays veut retrouver confiance en lui-même, il faut d'abord qu'il retrouve confiance en ceux qui le représentent et en ceux qui le dirigent. On soupçonne certains hommes publics de s'être enrichis personnellement de manière illégale. S'ils sont innocents, ils doivent être disculpés. S'ils sont coupables, ils doivent être châtiés. Dans tous les cas, la justice doit passer. Je vous demande, les yeux dans les yeux, de m'entendre. J'ai ici, comme je suis un Premier ministre nouveau, mais un homme politique précautionneux, j'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Je m'en garderai bien. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Et Pierre Bérégovoy reprend son discours face à un hémicycle vidé de ses députés de droite. Ce geste est une rupture. Pour la première fois, un chef de gouvernement dénonce la corruption au cœur même de la démocratie française. Cet événement traduit surtout le contexte délicat et compliqué dans lequel le nouveau Premier ministre doit mettre en place sa politique. Pierre Bérégovoy entame alors son action à la tête de Matignon avec toute l'énergie et la volonté d'un homme qui sait pertinemment qu'il a peu de temps pour redresser la barre. Une action principalement occupée par la campagne en faveur du traité de Maastricht qui passe de justesse par référendum en septembre 1992, puis par la campagne des législatives où tout va basculer. Solar pour un test corps. Tu quittes à la vallée de l'ombre de la mort. Des gens cotisent pour ta pierre tombale, pendant que je secrète des perles lacrymales. La vie est une loterie, même si tu gagnes, au final tu perds la vie. Un ou une de perdu, 10 de retrouver. Mais quand c'est un être cher, longtemps on peut chercher. On dit que rien ne se perd, tout se récupère. Mais tu es déjà retourné poussière. Des larmes humectent le costume que je porte pour toi, toi, à titre posthume. Il y a du monde autour de toi, des amis qui tous prient pour toi. Je me sens seul, tu dois l'être aussi. Dans cette vie située après la vie, le 16 mars 92, un homme est mort. Dieu est ton âme, ses vers sont pour ton corps. Le 3 février 1993, le Canard Enchaîné publie un article en une avec ce titre, ce chèque d'1 million qui empoisonne Béret. Pierre Bérégovoy a reconnu s'être fait avancer 1 million de francs par Roger Patrice Pelat pour l'achat d'un appartement. C'est le Canard Enchaîné qui fournit l'information dans sa dernière édition. Roger Patrice Pelat, qui est mort en 1989, peu de temps après avoir été inculpé pour délit d'initié dans le cadre de l'affaire Péchiné, avait consenti en septembre 86 au député Bérégovoy un prêt de 1 million de francs sans intérêt. L'actuel Premier ministre a semble-t-il voulu que les choses soient tout à fait claires. Il a donc fait enregistrer ce prêt chez un notaire et il l'a déclaré à l'administration fiscale. Le Premier ministre précise qu'il avait jusqu'à 1995 pour rembourser cet argent et qu'après le décès de Roger Patrice Pelat, eh bien le solde a été réglé par anticipation. Interrogé par le Canard Enchaîné, Pierre Bérégovoy remarque, je cite, que c'est parce qu'il a scrupuleusement respecté la loi que le juge tombe sur des documents. En tout cas, le chef du gouvernement n'a pas l'intention de faire de commentaires sur cette affaire. C'est ce qu'il a dit hier soir à Marie-Ève Malouin. Ayant respecté la loi et ayant assuré la transparence de ce prêt, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Et pourtant, comme le disent les commentateurs, il n'y a rien d'illégal dans cette histoire. Un ami de Pierre Bérégovoy, Roger Patrice Pelat, mort en 1989, lui accorde un prêt sans intérêt pour l'achat de son appartement. Et alors ? Ce prêt a été enregistré, effectivement, chez le notaire, déclaré à l'administration fiscale, remboursé. Dès le mois de novembre 92, le Premier ministre sait que cette information va sortir. C'est qu'on lui a dit que le juge Thierry Jean-Pierre enquête depuis plusieurs mois sur une affaire de commission versée par Roger Patrice Pelat dans le cadre d'un contrat avec la Corée du Nord. Au cours de cette investigation, le juge se penche sur les droits de succession de Roger Patrice Pelat. Il demande à consulter tous les chèques émis égaux supérieurs à 1 million de francs depuis 1982. C'est ainsi qu'il aurait découvert le prêt consenti à Pierre Bérégovoy par l'homme d'affaires ainsi que d'autres traces d'aides financières et personnelles entre les deux parties. Jacques Folleroux, par exemple, dans son livre « Pierre Bérégovoy, le dernier secret », parle de financement des vacances du couple Bérégovoy, de prêts de certaines sommes pour sa fille, de cadeaux pour son épouse. Le juge aurait aussi appris l'existence d'impressionnants découverts accordés par une filiale du Crédit Lyonnais à Pierre Bérégovoy. Seule l'information concernant le prêt d'1 million de francs sort à ce moment-là dans la presse. Pierre Bérégovoy défend la légalité de l'opération face à l'assaut des médias. Je n'ai pas remis ma démission. Mesdames et messieurs, vous êtes libres de vos commentaires. Si vous voulez que je vous dise que je lis des choses qui me font de la peine, je vous le dis. Et je suis convaincu que ceux qui me connaissent ne seront pas troublés par l'exploitation qui est faite de ce prêt tout à fait légalement enregistré et normalement remboursé. Je n'en dirai pas plus sur ce point. Oui, mais la machine médiatique s'emballe. Ce n'est pas tant le prêt, encore une fois, qui retient l'attention, mais bien la personnalité trouble de Roger Patrice Pelat. Cet homme d'affaires appartient au cercle très rapproché de François Mitterrand. Pierre Bérégovoy en fait la connaissance en 1981, au moment où il est secrétaire d'État à l'Élysée, secrétaire général à l'Élysée. Surtout, Roger Patrice Pelat a été inculpé quelques années auparavant dans le cadre d'un délit d'initié dont il aurait bénéficié au moment de la vente de l'entreprise American Can par la société Pechiney. Une affaire dans laquelle est impliqué Alain Boublil, directeur de cabinet à l'époque de Pierre Bérégovoy au ministère des Finances. Le nom de l'homme d'affaires est aussi cité dans une transaction frauduleuse avec la Corée du Nord et il était l'un de ceux cités par les députés de droite lors du discours de politique générale de Pierre Bérégovoy. Alors la mécanique se met en place. La presse fait son travail, cruel souvent, injuste parfois, mais elle fait son travail. Alors l'information est reprise partout, elle fait la une et rythme la campagne des législatives. Les guignols, le bébé de chaud tournent chaque jour en dérision le Premier ministre. Ce n'est pas la presse certes, mais la force symbolique du chiffre 1 million de francs fait le reste. Pierre Bérégovoy essaie d'enrayer cette machine implacable. Dans Paris Match du 18 février 1993, il fait publier une lettre qu'il a envoyée le 6 février 1984 à Laurent Fabius, Premier ministre à ce moment-là. Dans ce courrier, il se prononce contre le crédit en faveur des sociétés de Roger Patrice Pelat sur le dossier coréen. Mais c'est trop tard. La moralité du Premier ministre est atteinte et renvoie de la gauche une image plus que gênante. Voilà un Premier ministre qui a érigé la lutte contre la corruption comme étendard et qui se retrouve cité aux côtés de personnalités impliquées ou soupçonnées de malversations financières. Un article en particulier traduit ce sentiment. Celui de Jean-Michel Helvig, publié le 17 février 1992 dans le journal Libération. Prenons le risque de nous en tenir à la version officielle. Pierre Bérégovoy n'a rien commis de frauduleux. À ce détail qu'il n'est plus question de parler d'un prêt. La présomption s'impose. Roger Patrice Pelat a littéralement offert à Pierre Bérégovoy l'argent manquant pour l'achat de son appartement. Qu'un homme comme Pierre Bérégovoy, dont on veut bien admettre l'intégrité exemplaire que vendent ses amis, finisse par accepter le cadeau d'un homme d'argent, et pas des plus transparents, comme Roger Patrice Pelat, et que jamais il ne lui effleure l'esprit qu'il transgresse la prudence minimale, est pour le moins consternant. Si aucun signal d'alarme ne fonctionne dans la tête de cet homme-là, c'est que des ressorts se sont dangereusement distendus s'ils ne sont définitivement cassés. Dans quel monde vit désormais celui qui, issu d'un milieu populaire, ne s'étonne même plus de se voir offrir 100 briques ? Est-il si ingénu pour croire que l'on ne suspectera jamais la moindre contrepartie ? Jean-Michel Helvig. C'est sans doute l'article de trop pour Pierre Bérégovoy, que même la presse de gauche s'attaque directement à lui, à l'homme, à sa personnalité, à ses principes. C'est un coup de massue. À ses proches, d'ailleurs, il avoue son fatalisme. Ils ne me lâcheront jamais. Depuis plusieurs mois déjà, Pierre Bérégovoy s'est engagé à corps perdu dans la bataille des législatives. Il sait que la défaite est inévitable. L'objectif est donc de limiter la casse. Alors il sillonne la France pour soutenir les candidats socialistes. L'affaire du prêt transforme la campagne en un chemin de croix. Dans les meetings, il est de plus en plus chahuté, hué, vilipendé. Une fois de plus, le prêt à 1 million sans intérêt est un slogan de contestation tout trouvé. Béré t'as pas sans briques, béré du blé à 0%, peut-on entendre ? Alors le roc s'effrite, l'idée d'être considéré comme malhonnête et profiteur par les classes populaires le détruit à petit feu. Mais il garde cap, tient bon pendant ses meetings mouvementés. Chers amis, ne vous trompez pas d'adversaire. Quand les autres seront à notre place, si vous n'êtes pas solidaires de notre action, nous manifesterons avec vous, mais nous n'oublierons pas quel a été votre comportement ce soir. Et pourtant, l'affaire ne semble pas toucher l'opinion tant que ça. Certains sondages disent que 48% des personnes interrogées jugent le prêt condamnable. Effectivement, mais 42% pensent l'inverse. Et puis il y a un bilan à défendre, Pierre Bérégovoy. Sur le terrain économique, l'inflation est maîtrisée, le déficit budgétaire est sous contrôle, la balance du commerce extérieur est positive. Cependant, sur les deux axes principaux de sa mandature, il est fragilisé. D'un côté, la politique monétaire et la crise ont augmenté le nombre de chômeurs. De l'autre, la guerre déclarée à la corruption prend du plomb dans l'aile avec cette série d'affaires. Mais non seulement il y a le prêt qui agit comme du curare, goutte après goutte, mais aussi le remboursement du prêt, dont Pierre Bérégovoy affirme qu'il s'est effectué en deux temps. Une première moitié par un versement de 500 000 francs et une seconde par la remise d'un certain nombre d'objets et de livres anciens de grande valeur. Mais l'opinion déjà s'était moquée en sourdine que l'amateur de romans policiers et de livres d'histoire d'édition standard possède de tels ouvrages. Et pourtant, la femme de Pierre Bérégovoy confirmera bien l'existence de ces objets, et surtout, le Premier ministre avait bien le goût pour ces pièces dont on lui faisait souvent cadeau. Une fois de plus, ce ressenti de la part de l'opinion l'affecte au plus haut point. Intérieurement et en coulisses, le Premier ministre y revient sans cesse, en parle à tous ses proches. Cette histoire l'obsède, surtout l'idée que son image soit à ce point écornée. L'ampleur de la défaite aux législatives accentue son sentiment de culpabilité. Bonjour à tous. Probablement plus de 460 députés RPR UDF dans la prochaine assemblée, avec un net avantage RPR sur l'UDF. Le Parti socialiste ramené à son niveau des années 60 avec sans doute moins de 80 députés. Le Front national à 13% des voix, les écologistes à seulement 8% et le Parti communiste aux alentours de 10%. Telles sont les grandes tendances du premier tour des législatives. France Inter. C'est donc un bouleversement total du paysage politique qui ressort du premier tour des élections législatives. À droite toute, titre ce matin Le Parisien, raz-de-marée pour Libération, le rejet franc et massif pour Le Figaro. Voilà quelques-uns des titres que vous découvrirez à la une de vos journaux ce matin. La défaite était attendue, mais pas dans de telles proportions. Pierre Bérégovoy se sent responsable. Certains de ses collaborateurs confieront qu'ils ne cessent de répéter après les résultats. Tous ceux qui ont perdu de moins de 5%, c'est ma faute. Pourtant, sur ces terres, Pierre Bérégovoy est réélu avec un bon score. 53,69% des voix. Une fois encore, l'affaire Dupré ne semble pas avoir joué un rôle si conséquent. Ce sentiment profond de responsabilité pousse de plus en plus l'ancien Premier ministre à l'isolement. Enfin, isolement ou abandon? Peut-être les deux. D'ailleurs, après la défaite, il a l'impression que ses amis et camarades le fuient, ou pire, l'ignorent. Comme lors de la réunion du comité directeur du PS le 3 avril 1993. Au moment de prendre la parole, certains quittent la salle avec insistance. « Je mesure ma part de responsabilité », déclare-t-il à la tribune. Que cet abandon soit réel ou simplement ressenti, la culpabilité est là, bien présente. Ses proches commencent à s'inquiéter de l'obsession qu'il prête à l'affaire, mais aussi de son éloignement progressif. Bon, tous estiment que c'est une mauvaise passe et que l'homme va rebondir. C'est connu d'ailleurs, les mois post-Matignon sont toujours difficiles. Fini l'emploi du temps de ministre, les responsabilités, l'action constante, la déférence des uns et des autres. Mais la dépression de Pierre Bérégovoy persiste et s'accentue. Jusqu'à ce 1er mai 1993, quelques semaines après la défaite historique des législatives, où il met fin à ses jours. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le suicide de Pierre Bérégovoy. Notre invité aujourd'hui, c'est François Lemonnier, qui était chef de cabinet de Pierre Bérégovoy lors des différentes fonctions ministérielles occupées par l'ancien Premier ministre. Nous le retrouverons dans quelques minutes. Les funérailles de Pierre Bérégovoy se déroulent trois jours plus tard, à Nevers, le 4 mai 1993. Devant la cathédrale, de nombreuses personnalités politiques de droite comme de gauche sont présentes pour la cérémonie, ainsi que des centaines de badauds venus rendre un dernier hommage au maire de leur commune. Tous assistent au discours de François Mitterrand. Je parle au nom de la France lorsque je dis devant son cercueil qu'avec Pierre Bérégovoy, elle a perdu l'un de ses meilleurs serviteurs et qu'elle en prend conscience sous le choc d'un drame où se mêlent grandeur et désespoir. La grandeur de celui qui choisit son destin, le désespoir de celui qui souffre d'injustice, à n'en pouvoir se plaindre, à n'en pouvoir crier. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. L'émotion, la tristesse, la douleur qui vont loin dans la conscience populaire depuis l'annonce de ce qui s'est passé samedi, en fin de journée, près de Nevers, sa ville, notre ville, au bord d'un canal où il était souvent venu goûter la paix et la beauté des choses. Lanceront-elles le signal à partir duquel de nouvelles façons de s'affronter tout en se respectant donneront un autre sens à la vie politique? Je le souhaite, je le demande et je rends juge les Français du grave avertissement que porte en elle la mort voulue de Pierre Bérégovoy. Livré au chien, l'expression fera date, autant que le ton empreint d'une émotion palpable et inhabituelle chez François Mitterrand. Une mort voulue conclut un discours qui pointe ostensiblement la responsabilité du suicide de Pierre Bérégovoy en direction de ceux qui ont mis en cause l'honneur de cet homme. Au premier rang, les médias et la campagne de presse autour de l'affaire Dupray. Les mots sont durs, violents et les attaques ciblées, comme dans cette tribune également de François Léotard, adversaire politique de la gauche au pouvoir, qui s'en prend directement au canard enchaîné, dans des termes qui traduisent l'atmosphère de l'époque. Le Monde, 4 mai 1993, la mort de Pierre Bérégovoy, point de vue, la première victime d'une nouvelle culture. Au commencement, il y a la mort. La mort comme une information et donc d'abord comme un mensonge. Au commencement, il y a un meurtre. Ce n'est pas d'un suicide qu'il s'agit. Ce n'est pas d'un échec électoral qu'il s'agit. Au commencement, il y a un meurtre. Et le meurtre de Pierre Bérégovoy a ceci de particulier qu'il n'est pas signé et qu'il ne le sera jamais, parce qu'il n'a pas besoin de l'être. Il est furtif, sans trace, échappant à toute sanction. Avion noir dans un ciel noir. Pierre Bérégovoy est la première victime d'une nouvelle culture. À sa manière, il préfigure un holocauste à venir, non pas celui de la haine, mais celui plus raffiné, plus modeste aussi, de la dérision. Fascisme élégant du quant à soi, charme discret de la calomnie, refus revendiqué de toute responsabilité, de tout engagement qui ne soit pas d'ironie. Lorsqu'un canard est enchaîné à son mensonge, il peut courir, comme le font tous les canards, sans sa tête. Il continue de vivre après la mort. Ainsi vont quelques médias d'aujourd'hui. Sans tête, ils tournent sur eux-mêmes avant de s'abattre au fond de la cour, là où s'entassent nos espérances. Philippe Léotard. Face à cette attaque, le canard enchaîné réplique, rappelle la liberté de la presse et dénonce l'affairisme qui gangrène la politique française depuis plusieurs années, les relations troubles qu'entretiennent les hommes politiques avec le milieu des affaires. D'autres personnalités politiques dirigent leurs accusations vers le juge d'instruction Thierry Jean-Pierre, qui aurait été coupable d'un zèle un peu trop prononcé dans l'exercice de ses fonctions, qui serait à l'origine de la fuite et n'aurait donc pas respecté le secret de l'instruction. Au-delà de ces mises en accusation réciproques, sans recul aucun, c'est le sentiment d'une responsabilité collective qui gagne les esprits. Dans les jours qui suivent sa mort, Gilbert Bérégovoy, sa femme, reçoit plus de 200 000 lettres. Les réactions des Français disent cette émotion qui gagne tout un pays face à ce geste dramatique. Un représentant de la République qui met fin à ses jours et la société civile tout entière est gagnée par le remords. Tous rendent un dernier hommage, insistant sur l'honneur de l'homme et son action publique, comme Pierre Mauroy. Il y a deux jours, j'ai reçu de lui une lettre approuvant mon action de rassemblement du Parti Socialiste. Il y exprimait aussi ses regrets que son action gouvernementale, qui avait bien commencé, se soit terminée aussi difficilement. Je veux rendre hommage au grand ministre de l'économie et des finances qu'il a été, au Premier ministre, pour son action décisive et reconnue. Il a été la cible de beaucoup d'attaques injustes et personnelles, et je sais qu'en homme d'honneur, il en a beaucoup souffert. Dans ces instants tragiques, devant le destin d'un ouvrier promu aux plus hautes fonctions de l'État, chacun peut mesurer la servitude de l'homme public au service de la grandeur de son pays et sa nécessaire abnégation. Au-delà des raisons du suicide de Pierre Bérégovoy, qui comme tout suicide gardera toujours sa part de mystère et d'intimité inviolable, cette histoire traduit bien les relations complexes qu'entretiennent le pouvoir politique et les contre-pouvoirs judiciaires et médiatiques sous la Ve République. Les récentes affaires confirment aujourd'hui encore et avec force ces rapports houleux et compliqués qui rythment la vie démocratique. Démocratie, République, deux mots chevillés au corps de Pierre Bérégovoy, à son esprit et à son action politique. to feel the love between us die. But it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. Whoa. Thinking so hard on his soft eyes and the memories offer signs that it's over. Affaire sensible aujourd'hui, le suicide de Pierre Bérégovoy. Bonjour François Lemonnier. Bonjour. Alors vous avez bien connu Pierre Bérégovoy, c'est bon qu'on puisse dire, hein, puisque vous avez été son chef de cabinet, non pas directeur de cabinet, chef de cabinet. Ce 1er mai, que faisiez-vous ? Écoutez, je rentrais chez moi, j'étais allé voir mon père à Bordeaux, et au moment où j'ouvrais la porte de mon appartement, ma femme m'a dit « Pierre Bérégovoy vient de tenter de se suicider ». Je me suis alors précipité au Val-de-Grâce, où nous avons attendu son arrivée, mais il était mort, comme votre émission l'a rappelé, puisqu'il est mort pendant le trajet entre Nevers et Paris. Alors, le souvenir de l'homme, on va s'intéresser à l'homme, on ne va pas faire la liste des suppositions. Bon, Pierre Bérégovoy s'est suicidé, voilà. Bon, il y a toutes ces théories sur lesquelles on revient pas. On va parler de l'homme. Alors, moi, je le connaissais pas comme vous l'avez connu. Hein. Le public, auprès du public, il dégageait une image précisément d'honnêteté, d'intégrité. Comment était-il réellement ? Eh bien, écoutez, d'abord, c'était un homme très agréable à connaître. Et le fait de travailler avec lui pendant 8 ans et demi au quotidien m'a incité à penser que cet homme, effectivement, était un homme non seulement de grand talent intellectuel, mais un homme d'une grande simplicité, qui allait droit au sujet qu'il traitait, qui allait droit à la personne qu'il avait en face de lui. On ne tournait pas autour du pot, on traitait les sujets, on travaillait. Il était d'une humeur en général égale. Il lui arrivait, la tension était forte dans les fonctions qui étaient les siennes, quelquefois d'élever un petit peu la voix. Et c'était classique dans ces cas-là. Il m'appelait par mon nom et de façon assez sèche. Et le lendemain, il me disait « François, j'étais un peu énervé hier, mais naturellement, vous aviez raison, mais je n'avais pas totalement tort. » Bon, alors on disait aussi qu'il avait beaucoup d'ambition et qu'il pensait beaucoup à Matignon et que lorsque Édith Cresson a été nommée, il était très en colère, très déçu, même quand Michel Rocard a été nommé, qu'il avait une espèce d'obsession quand même d'arriver à Matignon. Après tout, la politique, c'est aussi une histoire d'ambition personnelle, ça n'a rien de forcément rédhibitoire, hein. Oui, et ça n'a rien de négatif. Je crois que cet homme était doué de multiples talents, était d'une intelligence brillante, rapide, un art de la synthèse. Et il était donc normal qu'assez tôt, il espère avoir un destin particulier. Et en effet, 88, 91, il avait espéré être nommé à Matignon. Ça n'est un secret pour personne. Et quand, enfin, il est nommé en 92, il nous dit « c'est trop tard ». Oui. Je ne pourrais pas faire grand-chose. Vous avez rappelé les circonstances de l'époque, mais il faut bien se dire qu'en 92-93, on est dans une période de crise économique. Et on a l'impression que les initiatives que l'on prend successivement pour gagner sur ce front-là n'aboutissent pas. Et c'est une espèce de spirale négative qui se produit, comme, hélas, il l'avait craint lorsqu'il a été nommé, à son avis, trop tardivement. Quel rapport entretenait-il avec la presse avant l'affaire ? Écoutez, c'est un homme qui aimait beaucoup discuter avec les journalistes, parler avec les journalistes, mais qui n'avait peut-être pas une relation facile avec eux. Il ne pouvait pas s'empêcher, sur des dossiers techniques, par exemple, de prendre son téléphone pour dire « mais dites-moi un tel, vous avez dit ça ce matin, c'est idiot et c'est inexact, et je vais vous expliquer pourquoi ». Ce qui n'était peut-être pas la meilleure méthode et façon de travailler, mais... Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un être absolument authentique. C'est-à-dire que on ne raconte pas d'histoire, on va droit au but et on essaye de faire passer le message le plus clair qui soit. De ce point de vue, l'enseignement de Mendès France était précieux, n'est-ce pas ? Rester dans la rigueur intellectuelle, prendre la décision qui s'impose et ensuite essayer de convaincre ceux qui n'étaient pas a priori convaincus. Alors, on va arriver maintenant à la catastrophe et à ses causes. Alors, toute cette adversité autour de l'affaire Duprey, on l'a dit, la presse, les juges, peut-être aussi certains du Parti Socialiste, après tout. Et on va écouter ensemble une archive, celle de Lionel Jospin en 1998. Il est donc Premier ministre, et le Parti Socialiste rend hommage à Pierre Bérégovoy le 1er mai 1998. Et là, vous allez l'entendre, c'est la première fois que le PS fait son mea culpa. La transformation sociale se fait progressivement, pièce par pièce, avec une persévérance courageuse et modeste. La gauche sait cela, ce n'est pas l'illusion du grand soir, ni le cynisme du désenchantement, c'est le lent travail d'horloger du changement social, tels étaient ses mots. Pierre était un exemple de camaraderie qui fait la chaleur et la force du Parti socialiste. À lui qui ne comptait pas son soutien aux autres, cette camaraderie fut vers la fin mesurée, peut-être parce que nous ne ressentions pas assez ce que lui-même ressentait, alors que son parti se repliait en désordre. François Lemonnier, je vais vous poser une question difficile. Selon vous, qui porte la responsabilité morale du suicide de Pierre Bérégovoy ? Écoutez, chacun a son interprétation d'un acte aussi effroyable que celui que Pierre Bérégovoy a commis. Je crois que dans le suicide, m'a-t-on expliqué plus tard, il y a à la fois une souffrance immense et qui débouche sur une volonté absolue de sortir de cette souffrance, précisément en commettant l'acte du suicide. Et je crois que c'est ce cheminement qui s'est produit dans le courant du mois d'avril 93. Et les causes sont sans doute multiples. C'est en tout cas comme cela que je le vois. Il subit d'abord, vous l'avez expliqué, le grand silence fracassant de l'après-Matignon. Et on dit que François Mitterrand ne l'appelle jamais, c'est vrai. D'autres ont écrit là-dessus. Je reviendrai, si vous voulez, sur le président, mais je crois qu'il y a d'abord ce changement terrible de situation d'un quelqu'un qui est aux manettes du pays. Vous savez, quand vous arrivez à Matignon, et on a bien connu ça, tous les matins, vous vous demandez ce qui va vous tomber sur le crâne. Une catastrophe, une grève, une guerre, c'est vraiment un travail particulièrement lourd. Or, il se trouve qu'en quelques jours, Pierre Bérégovoy se retrouve dans son petit bureau de la rue de l'Université, dans les dépendances de l'Assemblée nationale. Il a été élu, il a son bureau, mais le téléphone ne sonne pas. Mais d'autres hommes politiques ont vécu la même chose. Oui, mais c'est un des éléments, je crois, qui peuvent expliquer les choses. Ensuite, bien sûr, il y a ce tourment considérable qu'a été l'atteinte portée à son honneur. Je peux vous dire qu'en 8 ans et demi, je n'ai pas vu cet homme commettre, comme on disait autrefois, une seule mauvaise action. C'est un homme de droiture, c'est un homme de transparence, qui n'a aucune peur du danger physique, ni des pressions de toutes sortes. Je l'ai vu faire face à des intérêts particuliers, privés, à des grands chefs d'entreprise, à des lobbies, et il a toujours eu une attitude d'une rectitude tout à fait remarquable. Donc sentiment d'injustice par rapport sentiment à ce qu'on lui faisait. Sentiment d'injustice profonde, d'autant plus qu'il avait fait, comme vous l'avez dit, de la lutte contre la corruption, son objectif parmi les objectifs principaux de son travail à Matignon. Et d'ailleurs, il a fait voter à l'automne 92, vous vous rappelez, un dispositif permettant d'instaurer un strict encadrement des financements des entreprises. Donc, son action est concrète et elle se trouve sur le terrain. Et puis, je crois que peut-être il n'y a pas eu, en effet, autour de lui, des amis, un entourage politique qui puisse le rassurer, le consoler. On a beaucoup dit, le président n'a pas appelé ou n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais Pierre Bérégovoy n'est pas du premier cercle. François Mitterrand n'appelle pas Pierre Bérégovoy tous les jours pour lui demander si ça va, si ça n'est pas dans les habitudes. Et par conséquent, il n'y avait pas énormément d'étonnement à ce que le président ne se soit pas davantage manifesté, même si Pierre Bérégovoy certainement en a ressenti une certaine tristesse. L'épisode auquel vous faites allusion au Parti Socialiste a été très dur. Ça avait été très sévère. Terrible. Très sévère. Le mois d'avril est absolument terrible. Je ne veux pas rappeler ces détails, mais il y a eu des jours où il ne voulait pas s'habiller, où il ne voulait pas sortir, où il ne voulait pas tout simplement avoir le comportement de tout le monde. Il était dans un état d'abattement absolument terrible. Et les derniers jours, malheureusement, se sont accélérées ces tendances au suicide. Est-ce que vous confirmez ce que dit Jacques Folleroux dans son livre « Pierre Bérégovoy, le dernier secret » Il évoque les prolongements de l'affaire Pella qui risquaient de sortir. C'est-à-dire que d'autres informations qui auraient acculé encore plus Pierre Bérégovoy. Il avait peur de ça ? Écoutez, je vais vous dire, nous avons beaucoup parlé de sa mort et de son suicide. Je crois qu'il est important aussi que l'on rappelle qu'il a été un homme d'État, qu'il a eu une action positive et importante. On l'a rappelé, hein, aux affaires sociales, aux finances, à Matignon. Pour le reste, je crois que il n'avait pas grand-chose à se reprocher. Ce que vous avez expliqué sur le prêt est bien clair. Ça a été une maladresse, ça a été une imprudence. Il n'y a pas vu mal et difficultés particulières. Probablement aurait-il dû s'abstenir. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer Patrice Pella dans ces années-là, et c'était un homme tout à fait extraordinaire, qui était d'une générosité, aussi un homme d'entre-gens, un homme d'influence, un homme d'affaires, mais il était aussi profondément authentique. Un jour, à un déjeuner... Madame Bérégovoy dit « Ah, mais nous avons des difficultés à acheter un appartement, mais enfin on va y arriver, la banque va s'en occuper. » Et Monsieur Pella dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un homme comme vous, de l'âge qui est le vôtre, parlant au ministre, avec les responsabilités qu'il a, comment se peut-il que, même s'il est dans l'opposition, c'était la période 86-88, simple député, comment se peut-il que vous soyez en difficulté pour acheter un appartement ? Et c'est ainsi que les choses se sont faites. Et probablement, Pierre Bérégovoy aurait dû dire « Écoutez, merci beaucoup, je note cette proposition. » Mais je ne peux pas me permettre. Mais je ne peux pas. Bien voilà. Sûr. Donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté particulière. La seule et profonde tristesse que nous avons tous ressentie à sa mort, c'est ce gâchis. c'est ce gâchis absolu de la perte de cet homme d'État qui avait quelque chose à dire. Je pense au débat d'aujourd'hui, ce rapprochement entre les idées de générosité, de solidarité, de justice. C'est ce que dit le journal du Centre, hein, une pensée politique actuelle. Oui. Pardon de vous couper une deuxième fois, mais je voudrais, parce que vous avez vu que le temps passe vite, je voudrais qu'on écoute François Hollande, puisqu'en 2012, hein, dans l'entre-deux tours de la présidentielle, il a choisi de se rendre le 1er mai à Nevers, en hommage à Pierre Bérégovoy, François Hollande socialiste, non seulement socialiste, et président de la République. Pierre Bérégovoy devint secrétaire général de l'Élysée, puis ministre, et c'est en tant qu'homme d'État que je veux aussi le saluer. Ministre de l'économie et des finances, pour un ajusteur, un syndicaliste, ce n'était pas forcément le destin qu'il avait imaginé ou que d'autres avaient conçu pour lui. Les syndicalistes, on les met aux affaires sociales. Et les ajusteurs, à la revalorisation du travail manuel. Mais ministre de l'économie et des finances, vous n'y songez pas. Et pourquoi donc ? En France, un ouvrier ne pourrait pas devenir aussi ministre de l'économie et des finances. Et quel ministre a-t-il été parmi les grands dirigeants, les argentiers, comme l'on dit, de l'Europe et de la planète, une référence. L'homme qui savait gérer, l'homme qui savait ce qu'était la valeur de la monnaie. Parce que quand on a été syndicaliste, quand on a été ouvrier, on sait que l'inflation est un mal qui ronge. Et on sait ce que la valeur, à l'époque d'un franc, aujourd'hui d'un euro. François Lemonnier, vous, l'ancien chef de cabinet de Pierre Bérégovoy, dernière question. Est-ce qu'il a souffert de son extraction ouvrière au sein de ce microcosme politique, de l'énarchie, hein ? Est-ce qu'on lui reprochait un peu ou au contraire, est-ce que c'était un objet plutôt d'admiration ? Écoutez, lui-même, de sa propre initiative, je crois, n'en a pas souffert. Il en a souffert lorsqu'on le lui faisait remarquer. L'arrivée en 84 au ministère des Finances, c'était encore à l'époque au Louvre, un certain nombre de hauts fonctionnaires font remarquer que cet homme ne sera peut-être pas à la hauteur. Ça n'a pas duré 4 jours ou 5 jours, ça a duré 2 jours, car il a inspiré le respect, à la fois par la façon dont il se comportait et par ses compétences professionnelles. Car c'est un homme qui très vite digère les dossiers, est capable de donner des instructions, est un meneur d'hommes, et il a, je crois, vraiment inspiré cette confiance au ministère des Finances. Donc, je ne crois pas qu'il ait souffert du tout de cette extraction. Je vous rappelle que son père était officier de l'armée du Tsar. Il y a eu une chute sociale, effectivement, quand Adrian Bérégovoy s'installe à Rouen. Mais au fond, le ministre, ensuite, repart en avant et conquiert... Et renoue avec un passé glorieux. Et renoue avec des activités tout à fait passionnantes. Bien, il me reste à vous remercier, François Lemonnier. Juste un petit détail, je vous ai dit tout à l'heure, François Hollande, président de la République, en ce 1er mai 2012, il n'y était pas encore, mais 5 jours plus tard, il devenait président de la République. Merci beaucoup, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.